il y a quelque chose dans le supramental qui est effectif immédiatement. C'est là où on se rend compte le vrai sens de l'autorité. L'autorité, c'est pas lié à de l'influence ou à de la... C'est lié à quelque chose d'implacable, qu'il y a des lois universelles implacables. Comme on pourrait parler même de l'autorité gravitationnelle de la planète. Si je prends 25 sous puis je le lance, il va retomber par terre. Ça fait partie de, des lois. C'est implacable. C'est applicable immédiatement. Tandis que tout ce qui est spirituel, puis là, on tombe dans du flou. Ça manque de clarté. Souvent, il y a le côté poétique, métaphorique, le côté émotif, le côté sentimental. C'est des formes qui mettent en vibration l'art. C'est pas pareil. Tandis que le supramental, c'est tellement clair, précis, puis implacable que quand vous recevez une information supramentale, c'est tellement clair et précis que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas l'interpréter. Vous ne pouvez même pas l'interpréter. Vous ne pouvez même pas l'interpréter. Je me rappelle à un moment donné, je parlais beaucoup par rapport à parler moins de l'astral, à lui donner moins d'importance. Je m'étais rendu compte qu'il y a une espèce de jeu de dupe là-dedans. Qu'en donnant de l'importance, on donne de l'autorité, si vous voulez, parce que c'est une autorité subjective. Les plans astraux, puis ça marche par subjectivité. Puis, ces semaines-là, je me suis mis à avoir une dame qui s'est même côtoyée, qui était extrêmement astralisée. Mais astralisée, là. Puis, ça n'arrêtait pas au niveau d'une vibration plus supramentale de me dire, regarde, là, viens pas nous nier que ça n'existe pas. Ils m'ont mis de l'astral en pleine face pendant ça a duré. Puis d'une façon violente. Là. Puis c'était implacable. Ce que je voyais, c'était implacable. Ça prêtait pas à interprétation. La fille, je l'écoutais parler, puis je regardais chez eux comment c'était décoré. Elle avait une lampe, là, Walking Dead, c'était comme une main de zombie qui sort du sol. Puis l'abat-jour, là, c'était comme des faces, des pots de face, là, genre Comet Game, là, qui se faisait des abat-jours. C'était, ouais. Puis le propos qu'elle me tenait, elle me racontait qu'elle et des amis, ils avaient mis du sang dans une poupée, puis c'était le bas astral dans toute sa splendeur. Puis ça me disait en même temps intérieurement, « Oh oui, l'astral, c'est pas important. L'astral, ça s'impose pas. L'astral, ça... » Oui, oui, oui. J'avais pas le choix d'acquiescer à l'information qui venait pour corriger à mesure ce que je voyais de cette jeune femme-là. Puis de me rendre compte que oui, l'astral contrôle des gens, il les marque. Les gens contrôlés par l'astral sont marqués, souvent sont pleins de tatouages. Ils vont tout le temps avoir un petit quelque chose. C'est territorial, l'astral. Ça voudrait être incarné, donc c'est territorial. C'est, en tout cas...